Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 112. De la jactance. La jactance est contraire à la vérité. Est-elle un péché mortel? 1. La jactance est-elle contraire à la vérité? Le mot jactance signifie proprement l'action de s'élever par ses paroles, en proclamant sur son propre compte des choses qui sont au-dessus de ce que l'on est dans l'opinion des autres, et surtout en soi. Prise. Dans ce dernier sens, pour l'action de se louer au-delà de sa juste valeur, en disant plus de bien de soi-même qu'on en possède, la jactance est contraire à la vérité par excès. Note. Elle provient le plus souvent de l'orgueil, par lequel on s'estime intérieurement au-delà de son mérite. Souvent encore elle a sa source dans l'opulence, dans le désir des richesses et dans la vaine gloire. Fin de la note. 2. La jactance est-elle un péché mortel? La jactance est, dans sa nature, un péché mortel, dès qu'elle porte à se vanter contrairement à la gloire de Dieu ou à l'amour du prochain, à dire, par exemple, comme le roi de Tyr, « Je suis un dieu », Ézéchiel 28, 2, ou avec le pharisien, « Je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ni comme ce publicain », Luc 18, 11. Elle est aussi un péché mortel par sa cause, lorsque, dérivant d'un orgueil excessif ou de l'amour désordonné du lucre, elle a pour fin de causer un dommage grave au prochain. Quand elle ne profère aucune parole contre Dieu ni contre le prochain, et qu'elle ne procède pas d'une cause mortellement coupable, elle ne dépasse point les limites du péché véniel. Note. La vaine gloire qui donne naissance à la jactance n'est pas toujours un péché grave. Or se vanter pour le plaisir de se vanter, c'est pécher par vanité plutôt que par méchanceté, donc encore, la jactance n'est pas toujours un péché mortel. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.